Merci Mathieu, à la semaine prochaine. C'est presque comme si ce n'était pas moi qui avais choisi l'univers, mais l'univers qui m'avait choisi. Alors, y aurait-il une forme d'immanence dans la carrière de notre prestigieuse invitée du jour, une sorte de destin cosmique ? Astrophysicien, directeur du Hayden Planetarium à New York, il va suivre les pas de celui qu'il présente comme son mentor, Carl Sagan, et consacrer sa carrière à la vulgarisation. Et quel vulgarisateur peut être le plus populaire de tous ? Il reprend la série Cosmos, amène la science à la radio avec la série Star Talk, écrit de nombreux livres et devient même une figure de la pop culture. Nous ne sommes pas peu fiers de recevoir Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson est notre invité spécial pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour, hello Neil deGrasse Tyson. Yes, hello. Thank you for having me as a guest. On est vraiment absolument ravis de vous avoir au micro de la méthode scientifique. Votre dernier livre, Letters from an Astrophysicist, un astrophysicien dans votre salon, vient d'être traduit et publié en français chez Belin. Je disais dans l'introduction cette citation, c'est presque comme si ce n'était pas moi qui avais choisi l'univers, mais l'univers qui m'avait choisi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient cette citation ? Oh, that came from deep within my heart. I remembered when I was 9 years old, my first visit to my local planetarium. Je me souviens encore de ma première visite au planétarium, là où j'habitais, le planétarium Hayden à New York. C'est là que j'ai grandi. Je suis le directeur de ce planétarium aujourd'hui. Mais je me souviendrai toujours de cette première visite. Je me mets dans le fauteuil, je regarde vers le haut, les lumières baissent et les étoiles apparaissent. Et c'était une vocation. C'est pas une vocation très scientifiquement exprimée. D'accord. Mais c'était un appel. L'univers m'a appelé. Et j'ai suivi la voie que m'indiquait l'univers. Et j'ai fait ce qu'il fallait pour aller voir ce que l'univers me montrait. Les étoiles, les planètes et la lune du cosmos. Si nous n'étions pas scientifiques, vous et moi, on pourrait croire à une prédétermination, à une sorte de déterminisme. Comment est-ce que vous l'interprétez ? Here's what I think it really was. I think I would have voilà been ce que an astrophysicist c'était. No matter what. Je pense que j'aurais été astrophysicien, quelles qu'étaient les circonstances. Mais cette visite au planétarium était telle que c'est devenu l'objectif de ma vie très tôt. Il y a des gens dont la vocation est plus tardive. Moi, la mienne était très précoce. Le résultat, c'est que j'ai pu investir mon temps dès l'âge de 10 ans dans cette vocation. À l'âge de 11 ans, j'ai eu mon premier télescope, puis j'ai commencé à suivre des cours, à lire des livres en dehors du système scolaire. Donc, vous voyez, le sol était labouré très tôt, avant même d'aller au lycée. Alors, pour commencer, Neil deGrasse Tyson, vous êtes dans une émission scientifique. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de science ces 12 derniers mois à cause d'un certain virus. Et du coup, c'est vrai que bien l'espace, l'astrophysique est un peu passé au second plan. Alors, j'aimerais vous demander, pour commencer, quel événement a été le plus important en termes d'astrophysique pour vous dans l'année passée ? So, first, as an astrophysicist, I often try to avant tout, en tant qu'astrophysicien, j'essaye d'avoir un point de vue cosmique sur les phénomènes terrestres. Et ça peut être très utile. Par exemple, lorsque le virus a donné lieu à la pandémie au mois de mars, eh bien moi, on m'interrogeait sur d'autres sujets scientifiques dans différentes interviews à la radio et à la télévision. Et les gens me posaient des questions sur le coronavirus à l'époque. Tout ce que je pouvais vous dire, c'est ce que je vais vous dire maintenant. le coronavirus était une épreuve visant à déterminer si l'opinion publique va suivre les avertissements des professionnels scientifiques, en l'occurrence des scientifiques médicaux. Une sorte d'épreuve. Si on peut réagir favorablement à ces opinions, eh bien le virus va disparaître et on peut revenir à nos travaux ordinaires. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Et je suis très déçu par l'espèce humaine, car nous n'avons pas su nous serrer les coudes pour combattre cet ennemi commun. Imaginez des extraterrestres qui débarquent sur Terre dans le but de détruire l'humanité. J'espère qu'on se rassemblerait et qu'on ignorerait les frontières nationales, la couleur de la peau, les différents obstacles religieux qui nous séparent. Non, il faudrait qu'on se rassemble. Nous sommes des êtres humains et nous avons un ennemi commun. Ça n'a pas été le cas avec le coronavirus. Par conséquent, je suis très déçu par la civilisation. Sa réaction n'a pas été bonne. Elle n'a pas été à la hauteur de l'épreuve, parce qu'un jour, il y aura peut-être une invasion d'extraterrestres. Qu'allons-nous faire alors? Ça ne répond pas vraiment à votre question, j'en conviens, mais je voulais vous dire quelle était ma réflexion quant au coronavirus. Mais du coup, ça me renvoie à une autre question, et vous répondrez plus tard à ma question principale. Comment est-ce que vous expliquez, aujourd'hui, au XXIe siècle, compte tenu de ce qu'est devenu la science dans nos vies, compte tenu de la précision qu'a la science pour décrire notre quotidien et l'univers, comment vous expliquez que ce soit aujourd'hui que la science soit le plus mise en question et que les gens aient le moins confiance en la science? Yes, it is quite the paradox. And quel paradoxe, en effet. I don't have what I would call a certain answer. Ma réponse n'est pas pétrie de certitude, néanmoins j'ai quelques idées. Offer insight to an answer. So first, tout d'abord, if you're born into a completely technologically rich society, dans une société riche du point de vue de la technologie, eh bien, on prend les choses pour acquises. Vous prenez votre téléphone, vous êtes dans la rue, en plein centre-ville de Paris, et vous parlez avec quelqu'un qui est dans la rue, en plein centre-ville de New York. Vous menez la conversation et vous vous rendez à peine compte de la merveille technologique qui vous permet d'avoir cet entretien. Vous raccrochez à la fin de la conversation, point final. Mais la technologie est quand même éblouissante. Il y a très peu de gens qui ne s'en soucient pas. Ils utilisent simplement cette technologie. Donc si l'on est dans une société où la technologie et la science rendent tout ce que vous faites possible sans que vous ayez avant soucier, eh bien, je pense que vous pourriez croire que, eh bien, les nouvelles découvertes scientifiques ne sont pas dignes d'intérêt. Vous vous dites, bon, ben alors, c'est de la science, c'est tout. Et d'ailleurs, tiens, je reçois un coup de téléphone de ma tante tunisienne. Bon, bref. Vous voyez, ça c'est ma première observation. Deuxièmement, je ne connais pas le système éducatif en France, mais aux États-Unis, en tout état de cause, la science est enseignée comme une discipline qui vous donne des informations qu'il faut apprendre. Donc vous arrivez en tant qu'élève dans votre classe, c'est un récipient vide, on vous donne de l'information, voici ce qu'est l'ADN, voici ce qu'est un séisme, voici ce qu'est un volcan, voici la structure d'une fleur. Et donc les élèves apprennent cela, mais on n'expose pas les élèves à la science. C'est la chose la plus importante que nous ayons inventée pour déchiffrer les mystères du monde qui nous entoure. Et c'est une conception formidable pour révéler la vérité objective et ce qui n'est pas vrai du point de vue objectif. Si on ne sait pas ça à propos de la science, on la considère comme simplement sac d'informations. Et vous pouvez mettre ça derrière vous. Ah, tiens, voilà d'autres informations. Tiens, je vais apprendre des choses sur la philosophie New Age. Évidemment, c'est en contradiction avec la science, mais on n'a pas le luxe de choisir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Il faut que ça réponde à vos émotions, à votre croyance religieuse, à votre culture, à votre personnalité. Vous voyez, c'est biaisé. Et la science, lorsqu'elle est établie par l'expérience et l'observation, elle arrive à une certaine vérité. Quoi que vous puissiez en penser, c'est comme ça. Et ça nous distingue de bon nombre d'autres activités. Ce sont deux réponses, ou en tout cas deux commentaires vraiment intéressants. Du coup, je vais revenir à ma question principale ou à ma question première et je vais vous en poser une question qui la complète. L'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé dans l'astrophysique qui vous a semblé intéressant et qu'est-ce qui va se passer dans l'année qui vient qu'il ne faut surtout pas rater? So in 2020, it's what was fun about 2020 2020, c'était une chouette année. Parce que dans le ciel de nuit, il s'est produit des tas de choses auxquelles beaucoup de gens pouvaient participer. Et l'une des caractéristiques de l'astrophysique, c'est que lorsque l'on étudie des objets dans l'univers, vous avez le Soleil, la Lune, les étoiles, les planètes, et au cours de l'année écoulée, il y a une comète qui est passée, la comète NEOWISE, visible à l'œil nu. Les satellites de la NASA ont des détecteurs spéciaux et des systèmes de protection permettant de détecter les comètes, alors que cela n'est pas possible depuis la surface de la Terre. Donc, c'était visible dans le ciel du soir. Et moi, j'ai pris des photos. C'était très chouette. Et par ailleurs, l'été dernier, il y a eu la Lune qui a éclipsé Mars. Donc, il y a Mars, il y a Lune, donc en orbite autour de la Terre, et tout à coup, la Lune bloque Mars. Ça, c'était chouette, pas besoin de télescope pour voir ça. Hein. Et plus tard, le 21 décembre 2020, Jupiter et Saturne se sont rapprochés dans le ciel. Et ces planètes étaient aussi proches qu'il y a 400 ans. D'ailleurs, si vous ne voyez pas très bien sans lunettes, quand vous retournez vos lunettes, eh bien, vous arrivez du mal à distinguer les deux planètes dans le ciel de nuit. Donc ça, c'était très chouette aussi. Une part de l'univers est arrivée à la connaissance des êtres humains. Mais l'année dernière, nous avons lancé le prochain rover qui est en train d'aller vers Mars et qui va arriver à la surface de Mars dans quelques semaines, le 18 février. Le voyage dure 9 mois quand même hein, pour y arriver. Donc en 2020, nous avons lancé ce véhicule qui va arriver à la surface de Mars en février 2021. Vous vous dites peut-être, bon d'accord, c'est un autre rover, un autre véhicule. Oui, mais non. Celui-ci a des instruments scientifiques plus avancés. C'est un laboratoire, mais il y a également un hélicoptère. Un hélicoptère qui va s'élever du véhicule, du rover, et qui va se promener dans les collines proches de l'endroit où l'atterrissage s'est fait. Donc, est-ce que l'on peut créer un aéronef qui va voler dans l'atmosphère d'une autre planète que la Terre? Évidemment, les besoins sont différents parce que l'atmosphère de Mars est très fine du point de vue gazeux. Donc, pour élever un objet, il faut que le rotor tourne très vite et il faut que les pales soient plus importantes que sur Terre. Bon, on ne dispose pas beaucoup de données scientifiques. On a l'objectif de prendre quelques images pour ultérieurement envoyer un drone encore plus important. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Sur ces notes de cosmos dont nous reparlerons dans quelques instants, Neil deGrasse Tyson est notre invité spécial tout au long de cette heure. Neil deGrasse Tyson, alors vous n'allez évidemment pas pouvoir couper à quelques éléments de biographie. Vous êtes né le 5 octobre 1958 à New York, soit exactement 5 jours après la NASA. Alors une fois de plus, c'est difficile de pas y voir une preuve du destin, mais vous et moi, nous ne croyons pas au destin, Neil deGrasse Tyson. You know, it's fun to think about it, even if I don't believe it. J'y crois pas, mais c'est marrant quand même. Vous grandissez dans le quartier Riverdale du Bronx. Vous avez raconté à de nombreuses reprises votre visite au planétarium. Vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que vous croyez, et je trouve ça important parce qu'on en parle souvent pour les artistes, mais on en parle moins pour les scientifiques. Est-ce que vous croyez à la vocation, Neil deGrasse Tyson? So, I think if you're in love with what you're doing, si on tombe amoureux, si on aime son activité, pourquoi faire autre chose? C'est un engagement envers une activité qui vous procure beaucoup de satisfaction, voire du bonheur. If I'm taking a break, then I'll only be, still be thinking about what brings Alors, me the happiness and the joy. Si One je me détache de cette activité, il faut que je pense à ce qui va m'apporter du bonheur. L'un des risques, c'est que lorsque l'on se consacre à ce point, à une autre activité, on peut mettre de côté d'autres parties de la vie qui peuvent être importantes, la vie de famille, les amis, et ainsi de suite. Donc peut-être qu'il y a un prix à payer. Et donc, en fait, c'est une histoire d'équilibre à trouver. I think if you're there's an old saying, if you pick a career, on dit que lorsqu'on choisit une carrière que l'on aime, si l'on choisit, si l'on embrasse une profession que l'on est prêt à mener gratuitement, eh bien là, vous n'aurez aucun jour malheureux de votre vie. Parce que si on vous paye, c'est pas une bonne idée parce que vous l'auriez fait gratuitement. Bon, je déforme un peu cet adage, hein, mais bon, ça mérite réflexion quand même. Absolument. Quelles sont vos lectures d'enfance, Neil deGrasse Tyson? Des livres de science, des livres de science-fiction? Est-ce qu'il y a des lectures à ce moment-là, vers vos 9, 10, 11, 12 ans, quand vous commencez à vous intéresser à l'espace, qui vous marque? Yeah, it's a great question. So, très bonne question, merci. Étant donné que je savais ce qui m'intéressait, j'étais à même de tout faire pour soutenir cet intérêt. Et mes parents l'ont détecté chez moi. Et ma mère allait dans des librairies. Mais à l'époque, il y avait des tables au milieu des librairies. Il y avait des tas de livres en promo, si vous voulez. Ce sont les livres qui ne se vendent pas très bien. Il faut les vendre à vil prix. Et on les vend donc très peu cher. Disons 50 cents, 1 dollar maximum. C'est pas du tout le prix au moment du lancement des livres. Donc ma mère regardait ces livres et elle trouvait des livres de mathématiques, de sciences, sur l'univers en particulier. Elle les achetait et elle me les donnait. Donc, quand j'étais au collège, je devais avoir 12, 13 ans, j'avais des étagères pleines de livres scientifiques. Certains étaient, comment dire, à ma portée intellectuelle, d'autres non. Et puis sinon, ma mère me donnait des livres avec des jeux cérébraux. Et j'y prenais beaucoup de plaisir, je dois dire. Donc tout cela, ça a eu une grande influence sur moi parce qu'il s'agissait d'une porte d'entrée vers mon monde et l'univers que je m'apprêtais à découvrir. Et mon esprit devenait aiguisé par ces sports cérébraux. Et mon esprit se formait pour réfléchir avec précision et justesse aux nécessités des problèmes qu'il fallait résoudre. Donc, résoudre des problèmes qui viennent d'être posés ou alors des problèmes qui perdurent au sein de la communauté scientifique. Moi, je voulais faire partie de cette nouvelle frontière, en quelque sorte. Vous dites également, Neil deGrasse Tyson, puisque vous avez grandi, on l'a dit, dans le Bronx, vous dites les gens avec ma couleur de peau n'étudiaient pas l'astrophysique, on s'attendait à ce que je devienne un sportif ou un artiste. Les choses que, finalement, vos parents avaient vu faire les Afro-Américains. Quand on est un jeune enfant afro-américain, qu'on rêve d'espace, comment est-ce que vous avez construit ce chemin? Et je sais que ça a quelque chose qui a été bien forcément tout au long de votre carrière universitaire jusqu'à à aujourd'hui un sujet que vous avez adressé. Yeah, the situation is better than it was before. La situation s'est améliorée. Every story I could possibly tell you is mild compared with every story my parents could tell you. Mes anecdotes de vie ne sont rien par rapport à celles que peuvent raconter mes parents. Par conséquent, bien qu'il y ait des défis très importants à relever dans notre société moderne, je préfère vivre aujourd'hui qu'il y a 60, 90 ou 120 ans. Voilà, que ça soit très clair. Ma soif de connaissances et mon énergie que je consacre à ma carrière s'avère particulièrement important. J'utilise cela pour surmonter les forces antagonistes. Je m'explique, il faut de l'énergie pour ignorer un problème qui survient constamment. On peut passer en dessous, à côté, ou ainsi de suite, on peut considérer que c'est un obstacle. Et pour être encore plus clair, c'est qu'on, si on envisage des haies dans une course de 110 mètres haies, on peut se dire comment surmonter cette haie. Eh bien, il suffit de sauter par-dessus, n'est-ce pas? Bon, c'est ça qu'on fait. Hein. Un parcours d'obstacles, c'est un parcours où l'on surmonte les obstacles. On passe par-dessus. Mais il faut être prêt à faire cela. Il faut être conditionné. Il faut être en bonne forme pour surmonter l'obstacle sans se prendre les pieds dedans. Donc, moi, j'avais des réserves d'énergie en moi, des espèces de poches d'énergie que je peux exploiter lorsqu'il me fallait surmonter des obstacles. Mais si je n'avais pas surmonté ces obstacles, je ne sais pas où je serais. Je ne sais pas quelle profession j'exercerais. Je ne sais pas si je serais heureux ou malheureux. Donc l'idée, c'est qu'il faut de l'énergie pour surmonter les obstacles encore et encore. Il ne faut pas que ça vous affecte psychologiquement, sinon on meurt. Et on ne peut pas sortir intact de ce parcours sans surmonter les obstacles. Il paraît, Neil deGrasse Tyson, que lorsque vous postulez à l'université, vous avez refusé une invitation de Carl Sagan à venir étudier avec lui à Cornell. C'est vrai, ça? I don't think of it as refusing it. C'était pas un refus en tant que tel. Hein. C'est vrai qu'on m'a invité. Carl Sagan était professeur d'astronomie à Cornell. L'université de Cornell est dans l'État de New York. Environ à 400 km de la ville de New York, il a appris que j'avais postulé parce que, évidemment, dans mon CV, il n'y avait que de l'astrophysique en réalité. Et donc, les gens qui, les administratifs qui ont instruit mon dossier ont dit que ce serait opportun que Carl Sagan voie ma candidature. Donc, j'ai reçu une lettre spontanée de Carl Sagan disant « Ah, je vois que vous vous intéressez à l'astronomie, c'est ce que j'enseigne. » Et moi, je me suis dit « Ouh là là là là là là !» Il avait déjà atteint une certaine renommée, il passait à la télévision, et ainsi de suite. Donc, de sa part, c'était particulièrement généreux que de m'inviter. Donc, je lui ai rendu visite. C'était inoubliable pour moi. Il m'a dédicacé un livre, d'ailleurs, et c'était dédicacé à Neil, futur astronome. Et quand j'ai décidé quelle université serait la mienne, je n'ai pas choisi Cornell. Vous vous dites que j'ai refusé. Non, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Plutôt que de choisir Cornell, j'ai choisi Harvard. Mais cette décision était sous-tendue par des raisons très sérieuses. Hein. Il faut voir le nombre de gens qui étudiaient l'astrophysique à Harvard par rapport à Cornell. Il y avait plus de gens à Harvard. Et je ne sais pas exactement quel devait être mon objectif dans l'univers, quels étaient mes sujets de prédilection. J'étais intéressé partout. Mais pour être spécialisé, il fallait avoir des possibilités nombreuses à ma disposition. Et si j'allais à Cornell pour Carl Sagan et que Carl Sagan quittait Cornell, j'allais me retrouver un petit peu le bec dans l'eau. Donc, j'ai pris une décision rationnelle. Il m'a envoyé une lettre en disant « Vous ne vous êtes pas trompé en choisissant Harvard ». Neil deGrasse Tyson, vous avez donc fait une thèse en astrophysique. Je n'ai pas réussi à trouver le sujet de votre thèse. Sur quoi vous travaillez ? Yes, so I got my PhD from Columbia University. Oui, j'ai passé ma thèse à Columbia. I worked on the structure of the Milky Way galaxy. La structure de la galaxie de la Voie lactée. Donc il y a la Terre, il y a le Soleil compte parmi des centaines de milliards d'autres étoiles qui sont en orbite les unes des autres au sein de la Voie lactée. Mais le centre de la Voie lactée est difficile à voir parce qu'il y a beaucoup de poussière, de nuages qui vous permettent pas vraiment de voir. Donc il faut adopter un certain nombre de tactiques, il faut regarder dans certaines zones, mais on ne peut pas regarder partout dans la Voie lactée. Hein. Donc ma thèse portait sur c'était une tentative de compréhension de l'histoire selon laquelle la Voie lactée s'est ainsi configurée en mesurant les éléments chimiques des étoiles au centre de la galaxie par rapport à d'autres emplacements et en comparant les données. Et donc j'ai dû aller de nombreuses fois dans les Andes, en Chine, au Chili, où il y a des télescopes et qui vous permettent de voir le centre de la galaxie de la Voie lactée. C'était ça, le sujet de ma thèse. À quel moment est-ce que vous avez décidé, Neil deGrasse Tyson, de dire, finalement, je vais arrêter la recherche, ce qui m'importe, c'est la vulgarisation, c'est de transmettre. Ok, so. I'm not entirely what I seem. Là, vous me voyez, mais je ne suis pas le reflet de ce que je suis. Hein. Si je maîtrisais tous mes désirs et tous les aspects de ma vie, vous ne me verriez jamais. Je consacrerais mon temps au laboratoire, c'est-à-dire au télescope ou à des travaux sur ordinateur. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens s'intéressent à la science. Les gens s'intéressent à l'univers. Si l'on découvre une planète, un trou noir, une autre galaxie, eh bien, ça fait les gros titres quand même. Et quand ça fait les gros titres, eh bien, la presse vient nous voir, nous autres chercheurs. Par conséquent, bon nombre d'astrophysiciens savent communiquer avec la presse. Et moi, je pense que je serais irresponsable si je n'assouvissais pas l'intérêt qu'ont les gens dans mon amour professionnel pour l'univers. Par conséquent, je consacre du temps aux journalistes, aux gens qui font des podcasts, aux documentaristes. Et j'ai même consacré du temps à des réalisateurs qui font des films. Et j'apparais d'ailleurs dans certains films, à tout petit rôle, hein, bien sûr, parce que ça donne une espèce de caution scientifique. Et je me dis que les artistes, qu'ils soient écrivains, scénaristes ou autres, si les artistes vont chercher les scientifiques pour apporter une contribution, eh bien, il faut que je réponde présent. Je ne peux pas dire non, parce que lorsque la science est absorbée par l'art, eh bien, à ce moment-là, ça devient populaire. Et c'est ça le rôle de la science. Il faut que la science soit populaire. La science a quelque chose à apporter à la santé, la prospérité et la sécurité de la civilisation. Vous dites à ce propos, et j'aime beaucoup cette citation, vous dites « J'aimerais que les gens apprennent de moi, mais qu'au final, ils ne se souviennent pas que j'ai eu quelque chose à voir avec ça ». Yeah, thanks for calling that out. I've said that recently, but oui, I've said merci. It many times. But most j'ai, recently was the j'ai dit ça the récemment, expression j'ai dit de nombreuses fois. Mais la dernière fois, on m'a posé la question directement, parce que les gens me disent « Comment est-ce que vous voulez qu'on vous souvienne de vous ?» Et moi, j'ai dit « Mais j'ai pas besoin qu'on se souvienne de moi. Moi, je suis enseignant. » j'ai un rôle de pédagogue, et si je vous aide à apprendre quelque chose, eh bien, à vous de vous saisir de cette connaissance que vous venez d'apprendre, parce que vous la comprenez, cette connaissance. Et quand on comprend quelque chose, eh bien, ça fait partie de vous, de votre vision, de votre éclairage intellectuel. Et puis quelqu'un va vous demander pourquoi la Terre est comme ça, pourquoi la Lune est-elle comme ça. Il ne faut pas dire, eh bien la réponse c'est ça parce que c'est Tyson qui me l'a dit. Non, si c'est ça votre réponse, ben, j'ai échoué moi. Hein. Vous ne récitez que ce que j'ai dit. Mais si vous arrivez à expliquer les raisons et si vous faites part de votre compréhension sans me citer moi, eh bien là je trouve que j'ai réussi, je peux rentrer chez moi tranquille. Donc, non, c'est pas la peine qu'on se souvienne de moi. Moi, je veux que le monde soit meilleur, c'est tout. Et c'est quelque chose que nous partageons, Neil deGrasse Tyson. Je suis vraiment tout à fait d'accord avec cette vision-là. Nous sommes des maïeuticiens. Notre but, c'est de transmettre une parole, d'accoucher la parole de quelqu'un d'autre. Et nous sommes que des vaisseaux. Maybe. Yes, very, very important. And oui, c'est très important. Parce que quand on se met à réciter ce qu'on dit d'autres avant vous, c'est comme ça qu'on forme des cultes, n'est-ce pas? Vous avez une personne, des murges, qui détient toutes les réponses et on s'arrête de réfléchir soi-même parce qu'on abandonne ce privilège de réflexion individuelle, on l'abandonne donc au profit de quelqu'un d'autre. Et ça se termine jamais bien, ce genre de choses. Hein. À ce stade, je voudrais présenter des excuses à vos auditeurs. Je ne connais que la langue anglaise. C'est très américain, hein, j'en conviens. Mais mon vocabulaire en français est assez riche s'agissant d'œnologie. C'est toujours une consolation d'avoir une petite connaissance sur nos beaux cépages français. Neil deGrasse Tyson, on parlait de passeurs de savoir. L'un, peut-être le plus important de passeurs de savoir quand on s'intéresse à l'astrophysique, c'est Carl Sagan, et notamment via sa série Cosmos. The cosmos is all that is, or ever was, or ever will be. Our contemplations of the cosmos stir us. There's a tingling in the spine, a catch in the voice, a faint sensation as if a distant memory. Of falling from a great height. We know we are approaching the grandest of mysteries. Un extrait de Cosmos de Carl Sagan que vous avez repris. Peut-être un mot, Neil deGrasse Tyson, à propos de cette série. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous l'avez vue et quel a été l'impact que cette série a pu avoir pour vous? I was already formed, fully formed. J'avais déjà suivi ma formation lorsque la série Cosmos est sortie. Par conséquent, ça n'a pas suscité mon intérêt pour l'univers. C'était déjà fait, ça. Mais néanmoins, ça m'a fait vraiment prendre conscience du fait que le public a une curiosité insatiable pour l'univers, particulièrement lorsque le cosmos est présenté de façon aussi profonde, intelligente et facile d'accès. Moi, j'ai commencé à me spécialiser dans mes études d'astrophysique lorsque la série est sortie. À l'époque, je n'avais pas de téléviseur, donc je n'ai pas vu la série tout de suite. Je ne l'ai vu que 4 ans plus tard, et encore, je n'ai vu que quelques épisodes. Mais je connaissais Carl. Je connaissais sa capacité à inspirer les gens. Donc, je vois l'impact que cette série et ses ouvrages ont eu sur l'opinion publique, l'intérêt pour l'univers et pour la science en général. À propos de cette série Cosmos, est-ce que, peut-être une question toute simple, Neil deGrasse Tyson, vous avez rencontré Carl Sagan, racontez-moi comment ça s'est passé, j'aimerais que vous nous refassiez vivre cette première rencontre que vous avez eue avec Carl Sagan. Dans cette correspondance que j'ai évoquée, il m'a invité à visiter le campus de Cornell. J'arrive dans son bureau, il m'a remis un de ses livres. Il était très gentil. Et la chose la plus gentille qu'il ait faite, au moment de mon départ, il commençait à neiger. On est au mois de décembre. On est dans le nord de l'État de New York où il neige beaucoup en hiver. Ça n'a rien d'inhabituel. Il me dit, je devais prendre le bus. J'ai pris le bus depuis New York pour aller jusqu'à Ithaca. Il m'a dit, voici mon numéro perso. Si le bus, ça ne marche pas, vous allez rester chez nous avec ma famille. Donc, vous voyez, je ne l'avais jamais rencontré auparavant et cette gentillesse m'a touché. Et à l'époque, je me suis dit, si un jour j'arrive un tant soit peu à la célébrité de Carl Sagan, eh bien, à ce moment-là, je traiterai les étudiants comme il vient de me traiter. Je leur consacrerai le temps et l'attention en proportion de leur intérêt, de leur curiosité. Et j'étais avec Carl Sagan dans son bureau, quelqu'un a frappé à la porte, et Carl Sagan dit, non, je suis avec un étudiant, même si c'est Barack Obama, je ne réponds pas. Et après cette premier entretien, je n'ai rencontré que 5 fois par la suite. On n'est pas des potes qui allons boire la bière au bar, hein, mais tous ces entretiens ont eu beaucoup d'influence sur moi. Pour cette raison, lorsque les gens me disent « Carl Sagan était l'un de vos mentors », je réponds « pas vraiment », parce qu'un mentor, c'est quelqu'un que l'on voit tous les jours, ou fréquemment du moins, mais ce n'était pas le cas. Mais on peut être un mentor en simplement montrant l'exemple. Et pour moi, l'exemple qu'il m'a donné en me prêtant une très grande attention, cela a eu une très grande influence sur le reste de ma vie. Et à mesure que j'ai gagné en notoriété, et j'arrive à une certaine notoriété, pas celle de Carl Sagan, mais néanmoins, le moment est venu pour moi d'être aussi généreux avec les autres que Carl Sagan l'a été avec moi. Et donc, vous avez décidé de prendre le relais de Carl Sagan et de poursuivre cette série Cosmos. Il y a quelques dizaines d'années, l'astronome Carl Sagan conduisait des dizaines de millions d'entre nous à l'accompagner dans une aventure passionnante, l'exploration scientifique de notre univers. Il est temps de reprendre la route. We're about to begin a journey. Voilà, on entend dans cet extrait que votre point de départ n'est pas le même que Carl Sagan. Vous n'avez pas voulu refaire Cosmos, vous avez vraiment voulu poursuivre sa démarche, continuer ce trajet et y apporter vraiment votre patte, votre marque, Neil deGrasse Tyson. Yeah, this is a very important distinction because. Oui, la distinction n'est pas mineure, parce qu'on me demande, ça fait quoi d'être dans la peau de Carl Sagan ? Mais je ne suis pas dans la peau de Carl Sagan. Si j'essayais d'être dans la peau de Carl Sagan, j'échouerais. Mais je sais que je peux être une très bonne version de moi-même. Donc, si j'échoue dans la présentation de Cosmos, je ne veux pas que cela soit parce que je n'ai pas réussi à imiter Carl Sagan. C'est parce que ce que j'ai donné de moi-même ne fonctionne pas. Donc, il s'agit de moi et pas de ma capacité à imiter quelqu'un d'autre. Donc, la deuxième saison de Cosmos, depuis 2014, a embrassé l'esprit de la première saison, mais comme vous dites, c'est une continuité, un trajet. Donc, je suis très fier de faire partie de cette aventure. Andrian et Steve Soder. Andrian a participé aux trois Cosmos, 1980 avec Carl Sagan, 2014 et 2020, donc. Cette scénariste est quelqu'un dont la réflexion est très profonde, elle a de grandes connaissances scientifiques et elle écrit remarquablement bien. Ce sont des ingrédients qui, une fois combinés, vous donnent des expressions, des phrases qui vous emportent, qui vous élèvent. Cosmos, c'est un documentaire, mais c'est pas ce que l'on voit en tant que spectateur. Cosmos, c'est une passerelle vers la découverte cosmique. Et la présence est mentale et intellectuelle, mais émotionnelle aussi, d'où la puissance de cette série Cosmos. C'est intéressant ce que vous dites, Neil deGrasse Tyson, parce que on vit aujourd'hui dans une époque où la science-fiction est partout, au cinéma, dans les séries, où l'imaginaire de science-fiction finalement nous a rejoint. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on peut réenchanter l'espace quand toute cette fiction nous envoie beaucoup d'images dans la tête? Est-ce qu'on peut montrer que l'espace finalement est presque aussi fabuleux ou peut-être plus intéressant encore que ce que montrent ces fictions de science-fiction? Yeah, it's a excellent question. Excellente question. Quelques réflexions. Les fans invétérés de science-fiction sont des gens qui ont des connaissances scientifiques. Ils comprennent la science. Mais par ailleurs, ils aiment bien l'intrigue des romans de science-fiction. Moi, il me semble que la meilleure science-fiction, c'est celle qui, en toute sincérité, essaye de toucher du doigt les connaissances scientifiques établies pour aller au-delà ensuite. Donc, la science-fiction part de la connaissance scientifique, par des fabuleuses connaissances scientifiques. C'est nous, les scientifiques, qui avons trouvé les trous noirs, l'expansion de l'univers, les explosions d'étoiles, l'antimatière. C'est nous qui avons trouvé ça, hein? C'est la science d'abord. Et maintenant, on se sert de ça pour raconter des histoires. Donc, moi, ce que j'ai vu, ça me ravit. Et moi, je trouve que la science-fiction, c'est formidable. Donc, la vraie science, en fait, constitue les fondations, la fondation de la science-fiction. Vous êtes un lecteur de science-fiction ou un amateur de science-fiction vous-même, Neil deGrasse Tyson? I very much enjoy science fiction. J'aime beaucoup la science-fiction, mais je préfère voir un film gros budget que je regarde en mangeant du pop-corn. Hein. J'aime beaucoup la science-fiction au cinéma, à vrai dire. Il y a un tas d'histoires qui ont été racontées dans la littérature qui n'ont pas encore vu le jour sous forme cinématographique, mais mon intérêt pour l'univers a été tiré par la réalité scientifique. Il ne m'a jamais fallu la science-fiction pour que j'arrive à un endroit où je puisse apprécier la science, alors que j'ai pas mal de collègues et il y a pas mal de gens qui ne pensent pas comme moi. Mais c'est très bien, mais les choses fonctionnent différemment et c'est ainsi que ça a fonctionné pour moi. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Neil deGrasse Tyson, une partie de la vulgarisation aujourd'hui se fait sur Internet, via YouTube, sur des chaînes YouTube. Et donc on a une question d'un camarade qui participe souvent à la méthode scientifique, qui s'appelle Sébastien Carassou, de la chaîne YouTube Le Sense of Wonder, qu'il souhaite vous poser. Cher Neil, durant votre carrière, vous avez passé une grande partie de votre temps et de votre énergie à tenter de promouvoir une vision du monde basée sur les sciences. Une perspective cosmique, comme vous l'appelez. Selon vous, comment cette perspective cosmique pourrait-elle rendre le monde meilleur si elle était diffusée à grande échelle? En d'autres termes, quels sont vos objectifs politiques et sociaux? Excellent question. Very, very enlightened question. Thank you, Sebastian, for that. très intéressante, très éclairée. Merci Sébastien. Moi, à mon avis, je ne suis pas en train de partager cette vision scientifique du monde. Cela signifierait que j'ai un point de vue, que vous, vous en avez un autre et que nous sommes en rivalité. Comme j'ai eu l'occasion de le dire préalablement, la science ne doit pas faire l'objet d'un accord ou d'un désaccord. Il y a des raisons qui expliquent pourquoi les avions arrivent à voler, pourquoi les smartphones fonctionnent. Ce n'est pas discutable, ce n'est pas une question d'opinion, ce n'est pas influencé par votre désir. Ces réalités existent, quel que soit votre point de vue. Donc, je ne veux pas que vous ayez mon point de vue sur la science. La science est ainsi. La science est un moyen de comprendre le monde. Ce n'est pas un point de vue sur le monde, c'est le monde, point final. Donc, pour que la science participe à la croissance et au progrès mesuré à l'aune de la santé, de la sécurité ou d'autres choses fondamentales comme ça pour l'être humain, si l'on veut que le monde progresse, il faut que tout le monde en profite. Tout le monde doit profiter des fruits de la science, de la technologie et de l'ingénierie. Sinon, on va rester à l'arrêt. On va stagner, voire on va régresser. Une analogie assez extrême. Moi, je ne veux pas retourner à l'âge de pierre dans les cavernes. Hein. Non, ça ne m'intéresse pas, ça. Parce que c'est pourtant là que l'on va si l'on se dit « la science est une façon de voir le monde, comme d'autres façons. » Et moi, je vais choisir les autres façons de voir le monde. Si on choisit cette voie, on se trompe complètement. S'agissant de l'aspect politique de la chose, moi, je n'ai rien contre la politique. Hein. Tout dans le monde tourne autour de la politique. Mais la question se pose lorsque la politique décide qu'il faut rejeter tel ou tel fait scientifiquement établi. S'il y a rejet, et si on se met à choisir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, eh bien, ça va donner lieu à l'effondrement de la démocratie et, excusez du peu, de la civilisation. Donc, la politique doit intervenir lorsque l'on dit, bon, très bien, le carbone réchauffe la Terre. Et ça, c'est pas bien. Nous allons perdre nos villes côtières à mesure que les glaciers fondent. Donc, décidons des solutions du point de vue politique. Est-ce qu'il faut imposer le charbon? Est-ce que on prend telle ou telle mesure politique? Ce sont des solutions politiques aux problèmes que l'on connaît. Évidemment, il faut prendre des décisions politiques. Moi, ça ne me pose aucun problème. C'est de la politique. Très bien, allons-y. Mais si on commence à aligner la politique avec des choix qui vous intéressent dans le domaine de la science, moi, c'est un monde dans lequel je ne veux pas vivre. Hein. Une autre question de quelqu'un que vous connaissez bien, une grande voix de la physique contemporaine. Je vous laisse le soin de la reconnaître. Cher Neil, tu dis que la philosophie est inutile pour la science et la physique en particulier, ne fait que de la confusion. Mais celle-ci, ce n'était pas l'opinion d'Einstein, Heisenberg, Newton, Galilée, Boltzmann, les plus grands scientifiques qui ont toujours dit que leur lecture de philosophie était fondamentale pour les idées qu'ils ont eues et la science qu'ils ont fait. Donc, tu penses qu'il s'est trompé? So, you recognize this voice? Oh, I think I do. Oui, j'ai l'impression. It's Carlo Rovelli. Yes, okay, yes. By the way, I love his books. J'adore ses livres. He's a very important person. C'est une figure très importante. Il partage sa passion et son enthousiasme pour la science et la physique avec le monde entier. Donc, nous sommes des âmes sœurs de part et d'autre de l'Atlantique. That's an excellent question, and I think question excellente. Mon point de vue sur la philosophie a été dévoyé au fil des années. Il est plus facile de dévoyer que d'essayer de comprendre ce que je veux dire, n'est-ce pas? La philosophie a toujours porté notre réflexion pour expliquer notre rôle sur la Terre, et cela forge les questions que nous nous posons, et c'est toujours le cas aujourd'hui dans de très nombreux domaines. Mais moi, mon point de vue, c'est que les sciences physiques ou sciences dures étaient différentes à partir de 1900. C'est là que les choses sont devenues bizarres. On a découvert qu'il y a un atome invisible à l'œil nu. L'atome est composé de particules. Ces particules ont des propriétés. Il faut des outils spéciaux pour sonder tout cela et comprendre tout cela. Puis on a découvert l'expansion de l'univers. L'univers était en pleine expansion. Comment? Pourquoi? Et puis ensuite la relativité, l'espace-temps et tout ça, ça a imprégné la science, sans parler de la physique quantique. Mais tout ça, pour le voir, il ne faut pas rester assis dans un fauteuil. Les philosophes des années précédentes, des siècles précédents, posaient des questions, proposaient des réponses, et les gens se rassemblaient autour d'eux et avançaient dans leurs études. Ce que nous avons appris, c'est que pour faire des découvertes à l'ère de la science physique moderne, il faut travailler dans un laboratoire, ou alors il faut être sur les épaules des gens qui travaillent dans les laboratoires. Et il faut avoir cette connaissance et cette aisance intellectuelle grâce à l'apprentissage dans le domaine des sciences dures et pas dans le domaine de la philosophie. Si l'on regarde 120 ans en arrière, il y a des restes de la philosophie, mais cela s'estompe et toute la réflexion est désormais tirée par les physiciens et d'autres scientifiques des sciences dures. Donc certes, ils peuvent avoir des réflexions philosophiques. Moi, je réfléchis aux choses de manière philosophique tout le temps parce que je lis les choses, mais je ne pourrais pas être le scientifique que je suis si, à l'époque moderne, je m'étais spécialisé en philosophie. Voyez? Et d'ailleurs, il y a de la philosophie politique, culturelle, religieuse. Donc la philosophie, c'est très passionnant. Et il y a la neuroscience. Et il y a les philosophes qui essayent de mettre leur pierre à l'édifice. Ils peuvent l'apporter, bien entendu. Donc, mon point de vue est très physique hein, par rapport aux sciences dures. Et la liste des scientifiques dont on vient de parler viennent avant l'époque dont on parle, avant l'ère moderne. Ils parlent de la valeur qu'ils apportent à la philosophie et la contribution philosophique à leur propre domaine de recherche. Donc voilà, c'est mon point de vue et puis c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est tout. Pour finir, Neil deGrasse Tyson, oui, on arrive à la fin de cette émission, une sorte de questionnaire à la Proust ou à la Pivot, puisque je sais que James Limpton l'évoquait comme un questionnaire à la Pivot, des questions avec des réponses très brèves. Mm-hmm. Votre nom a été donné à un astéroïde, si vous pouviez voyager sur un objet spatial, une planète, un astéroïde, une lune, ce serait lequel? Oh, I would travel to a point in space. J'irais à un emplacement dans l'espace, puis je remonterais dans le temps. Parce que si je peux voyager dans l'espace, permettez-moi de voyager dans le temps. Je vais revenir en arrière et regarder la formation de la Lune, qui est le résultat de la collision entre une Terre et une planète nouvellement formée qui a été détruite. Donc moi, je veux regarder ce phénomène. Quel événement? Sinon, non. Il n'y a pas de lieu particulier que je souhaite visiter parce que je les vois tous de loin. Une découverte que vous aimeriez voir de votre vivant? Oh, I don't think of discoveries that way. Ah, je ne vois pas les découvertes comme cela. Chaque découverte réalisée nous amène à un lieu nouveau. Et à ce moment-là, on peut se poser des questions que nous n'avions pas imaginées auparavant pour amener à une autre découverte. Donc pour moi, la plus grande découverte, c'est celle que nous allons faire, dont on ne sait pas encore quelles questions il faut poser. Voilà, c'est comme ça que je réponds à votre question. Si vous aviez eu un message à envoyer à une intelligence extraterrestre, I would say, please help us. Au secours. That's a good one. That's my message. Okay. Please help us. Est-ce que vous êtes plutôt théorie des cordes ou gravitation quantique à boucle? Oh, I don't have any invested emotion in any of them. Oh, bah, j'ai pas de sentiment ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. Je veux que les gens aient un esprit ouvert. L'univers n'est pas aussi ordonné qu'on le souhaite. À mesure que notre compréhension de la nature avance. Donc peut-être qu'il y a un désordre complet partout, je ne sais pas. Une femme astrophysicienne dont les travaux devraient être mieux reconnus. Yeah, I think any all professions that are fun and interesting should have a certain dans toutes les professions. Il faut qu'il y ait un accès égal pour toutes et tous, quel que soit votre genre, couleur de peau ou autre. Chacun et chacune ne doit pas avoir à rencontrer des barrières. S'il y a des barrières, ça signifie que le domaine dont il est question ne tire pas profit de la créativité de toutes et tous qui auraient une pierre amenée à l'édifice. Et on se tire donc une balle dans le pied si on se prive de cela. Donc, la moitié de la population de la Terre est constituée de femmes, voire davantage, et les nouvelles idées viennent d'êtres humains dont on pourrait penser qu'ils n'ont pas d'idées. Donc il faut ouvrir les portes et il faut ouvrir les vannes en grand. Prouvez en une phrase que la Terre est plate. Ah, la Terre est plate, bon d'accord. Difficile de démontrer quelque chose qui est faux, hein. You can't. I can say that it might look je peux pas. Peut-être que ça peut vous sembler ainsi. Et on doit inventer des méthodes et des outils pour remplacer votre propre sentiment qui est fragile. Mais vous n'êtes qu'un être humain si vous pensez que la Terre est plate. Et nous avons trouvé la science pour remplacer nos cinq sens, pour ne pas avoir un point de vue biaisé sur la réalité. Notre cerveau et nos sens ne suffisent pas. Donc on ne peut pas prouver une chose fausse, c'est impossible. Dernière question, un ou une scientifique qui est décédé que vous aimeriez rencontrer, qu'est-ce que vous lui dites ? Yeah, I think about this too often. Ah, c'est une question que je me pose trop souvent. Je voudrais rencontrer Isaac Newton. Et je lui dis, Isaac, on a plein de problèmes nous, à l'ère moderne. Il y a la crise énergétique. Je vais lui dire, il y a le réchauffement climatique à cause du dioxyde de carbone. Il va me dire, c'est quoi le dioxyde de carbone? C'est quoi un moteur? C'est quoi l'essence? Bref, il est totalement ignare, le pauvre Isaac. Il ne connaît rien à rien. Moi, je passe mon temps à lui expliquer les choses. Et donc, je suis avec Isaac Newton, mon téléphone sonne, il va me dire, c'est quoi ce truc-là? À qui tu parles? Il n'y a personne là, à qui tu parles? Donc, le dialogue avec Isaac Newton va être plutôt de l'ordre du comique qu'autre chose. Hein. Donc, moi, je préférerais avoir un dialogue avec quelqu'un de l'avenir, vous voyez? Neil deGrasse Tyson, merci infiniment d'avoir été notre invité. Ça a été vraiment un plaisir de discuter avec vous. Thank you for your interest and in what I do. Merci de l'intérêt que vous portez à mon travail. Merci de l'intérêt que vous portez à l'univers et à la science. Et continuez à vulgariser la science pour tous vos auditeurs. Encore merci. Et merci également à Xavier Combes qui a assuré la traduction de cet entretien. Merci, comme tous les jours, un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Eve Etienne, Natacha Triou, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Alexandre Morales, Antoine Beauchamp, Céline Lausanne, Olivier Bétard à la réalisation, Florent Bujon aujourd'hui à la technique. Demain, c'est le camarade Antoine Beauchamp qui sera aux commandes de votre table ronde d'actualité scientifique avec au menu la grève des mains, l'origine du vivant, et des épinards qui envoient des mails. Je pense qu'il va falloir que je me mette à surveiller d'un peu plus près ce qui se passe quand je suis pas là. En tout cas, demain avec Antoine à 16h et nous on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.